Biscuit passe rien à rien. Bite en bouche, ça lui va bien. J'ai pas respecté vos règles. T'es pas les cartes, t'es chance de gagner sans mec. Je fais des tarums comme si j'étais ton père. Fucked up, j'suis sous Henny ou R. Outcast, j'me sens comme André 3000 en drop top quand le ciel est couvert. Flex les mains, j'affose ma bitch jusqu'au maximum. Yeah, Babylon, bitch, j'me sens comme Denzel Washington. Yeah, j'ai les kisses comme Alicia, hey. Pepperoni sur ma pizza, hey. Ma chaîne brille comme Pikachu, protège tes yeux, mamacita, hey. Kill him up, elle veut du love, j'en kill us up. Yeah, j'fais le job, bounce ton back, bitch, j'fais le job. Yeah, Sous got jump, hey. Un peu comme Jordan Tank, hey. Moonrock skank, hey. J'me sens comme Tupac Shank, hey. Go your mob, bad bitches dans mon catalogue. J'casse la démarche comme un sapologue. Shoot dans la tête, ça fait on off. Mazel tov, j'connais ta chica, hey. Elle mange plus de bananes que cheetah. Ouf, j'fly comme un visa, hey. J'découpe les briques comme un ninja. Gucci star, j'rentre et j'prends tout ce que j'aime. Tous ces pussy boys veulent me prendre tout ce que je n'ai que rock'n'roll. Je ne fume que du fort comme à Compton. En route pour le factory. Si c'est Wilson ou bien McClump. Touche-moi jusqu'à General Ball. Ça sent le cash dans ma casserole. Junior Michael Jackson. Kill him up. Elle veut du love, j'en donne kill us up. Yeah, j'fais le job. Fais ton bec, bitch, j'fais le job. Yeah, Sous got jump, ay. Un peu comme Jordan Tank, ay. Moonwax gang, ay. J'me sens comme Tupac Shun, ay. À Bruxelles, c'est plein de refrains. C'est le tour de Bruxelles. Jalousie mort,